France Inter, franceinter.com. La France-Afrique, c'est un peu comme le sparadrap du capitaine Haddock. On ne s'en débarrasse vraiment jamais. L'actualité nous le rappelle en permanence. Il y a eu, par exemple, très récemment, l'arrêt de la Cour d'appel de Paris, qui n'a pas reconnu à un certain nombre d'ONG le droit de poursuivre des dirigeants africains coupables d'avoir acquis en France des biens considérables avec de l'argent volé à leur propre pays. Il y a aussi cette diplomatie parallèle française qui continue à s'exercer sur le continent africain dans la meilleure tradition d'un focard. Un avocat bien connu, Maître Bourgi, ne rendant compte qu'à l'Élysée, n'est-il pas en Afrique le véritable missi dominici de la France, bien avant le ministre de la Coopération? Et faut-il rappeler que le précédent ministre de la Coopération, Jean-Marie Bockel, a rapidement changé de portefeuille après qu'il eût osé dire qu'il fallait en finir avec la France-Afrique, comme un certain Jean-Pierre Cotte avait été lui aussi remercié pour les mêmes raisons sous le premier septennat de François Mitterrand. Il naît jusqu'aux derniers et tragiques événements de Guinée pour montrer que la France-Afrique est toujours vivante. Une semaine avant le massacre de Conakry, le 28 septembre 2009, Patrick Balkany, dont on sait qu'il est un proche du chef de l'État, affirme que la candidature du chef de la junte guinéenne à la présidence ne pose aucun problème. Et cela en parfaite contradiction avec la position de notre ministère des Affaires étrangères. Mais justement, les 150 opposants qui ont manifesté pacifiquement le 28 septembre à Conakry sont morts parce qu'ils estimaient, eux, que cette candidature du capitaine Camara posait un problème. La France-Afrique, donc, encore et toujours. Monsieur X m'en a souvent parlé. Il y revient cette semaine à la lumière de la tragédie guinéenne. Pour la France, la Guinée a longtemps été le pays de l'homme qui a osé dire non au général de Gaulle. Ouais, c'est Couturé, un véritable affront. Pour le général, incontestablement. Et je vais y revenir. Parce que si l'on veut comprendre ce qui se passe aujourd'hui en Guinée, il faut remonter assez loin. Mais quelques généralités pour commencer. La Guinée, 156e pays sur 177 en termes de développement humain, selon le classement de l'ONU, devrait pourtant être un Eldorado. Et je n'exagère nullement. Château d'eau de l'Afrique occidentale, elle dispose d'une nature généreuse et de terres fertiles. Mais son sous-sol est aussi excessivement riche. Et qui trouve-t-on là ? De l'or, des pierres précieuses, de l'uranium, du fer et surtout de la bauxite. Ouais, le minerai qui permet de fabriquer de l'aluminium. Hein. Oui, un tiers des réserves connues de bauxite se trouve dans le sous-sol guinéen. Et le pays en est le deuxième producteur mondial. J'ajoute que dans ces eaux territoriales encore inexploitées, il y a certainement d'importants gisements pétrolifères. Alors, malgré toutes ces richesses, le pays est sous-développé. Et une grande partie de sa population vit de façon misérable. 80% des Guinéens sont analphabètes et le réseau routier mérite à peine ce nom. Alors, est-ce que la Guinée, qui doit faire l'objet de nombreuses convoitises, paie paradoxalement le prix de ses richesses naturelles, comme certains États pétroliers ? Sans doute. Parce que ceux qui exploitent ces richesses, généralement des étrangers, se soucient peu de développer le pays. Et puis il y a aussi la corruption. Là encore, la Guinée bat des records. Elle se classe au 173e rang sur 180 dans le récent classement établi par Transparency International. À ce fléau, il convient d'ajouter, comme trop souvent en Afrique, des conflits ethniques et le trafic de drogue. Car vous le savez sans doute, l'Afrique occidentale est devenue une plaque tournante du trafic de cocaïne. Oui, entre l'Amérique du Sud et l'Europe. Le tableau est donc catastrophique. Hein. Malheureusement, et ça ne s'arrange pas. Car à tout moment, la Guinée peut basculer dans la guerre civile et la pire des anarchies. Un dernier mot avant d'en venir plus précisément à l'histoire du pays. Malgré les dictatures qui sévissent en Guinée depuis un demi-siècle, presque sans interruption, ce petit pays de 7 ou 8 millions d'habitants a longtemps été considéré comme un facteur de stabilité dans une région passablement agitée. Mais les conflits existants dans les États voisins, Liberia, Sierra Leone et même Côte d'Ivoire, ont fini par déborder en Guinée. Et ça a contribué à désorganiser le pays. Et à l'appauvrir encore un peu plus. Alors je vous l'ai dit, pour bien comprendre, il faut d'abord remonter dans le passé. Alors vous allez me parler, ou plutôt me reparler, de Sékou Touré. Ben forcément, parce qu'il a profondément marqué l'histoire de la Guinée. Pour vous donner une idée du personnage, je vous citerai l'une de ses maximes favorites. À complot permanent, terreur permanente. C'est du Staline dans le texte. À peu près, oui. C'est aussi devenu un système de gouvernement. Mais ces complots ont-ils existé ? Certains, oui. Et je peux d'ores et déjà vous dire qu'ils ont été souvent fomentés à Paris. Mais Sékou Touré, qui avait des tendances paranoïaques, en a inventé beaucoup d'autres. Des complots imaginaires. Parfaitement. Enfin, n'allons pas trop vite. Bah, ça, bien entendu. Et disons-le tout de suite que si incontestablement Sékou Touré était paranoïaque, nous, Français, avons fait tout ce qu'il fallait pour développer cette paranoïa qui ensuite n'a fait que grandir. Ouais. Vous voulez dire qu'on a fabriqué un tyran ? N'exagérons pas, mais il y a de ça. Alors, le personnage d'abord. Sékou Touré est né au début des années 20 en pays malinké, aux confins de la savane et de la forêt, tout près des sources du Niger. Et c'est très important. Pourquoi ? Parce que c'est le pays d'un certain Samori Touré, un chef politico-religieux de grande envergure, qui a longtemps mené la vie dure à nos troupes coloniales. Et qui s'appelle donc lui aussi Touré. Et alors, vous imaginez bien que Sékou Touré va souvent se réclamer de ce guerrier prestigieux. Il affirmera même qu'il est l'un de ses descendants. Vrai ? Peu importe. L'essentiel, c'est qu'on le croira. Il fait des études ? L'école coranique, d'abord. Oui, parce qu'il est musulman. Comme la plupart des habitants de cette région. Ensuite, il fréquente une école professionnelle dans la capitale, Conakry. Et il fait des études secondaires par correspondance. Ça lui vaut d'être engagé dans les services financiers des PTT. Fonctionnaire, donc. Oui, et très bien noté. Sékou Touré est entreprenant, intelligent. Et en 1945, il fonde le premier syndicat de Guinée. Parce qu'il n'y avait pas encore de syndicat. Non, et il ne faut pas oublier que le droit syndical avait été accordé aux Africains peu d'années auparavant. Et comment cette initiative a-t-elle été accueillie par les autorités coloniales? Pas très bien, comme vous pouvez le penser. Sékou Touré devient très vite la bête noire du gouverneur. D'autant que peu de temps après, il devient secrétaire général de l'Union Ségétiste guinéenne. Ensuite, il fédérera même les syndicats de l'AOF. L'Afrique occidentale française. Conséquence immédiate, Sékou Touré est révoqué. Et il fait un court séjour en prison. Du fait de son engagement syndical. Exactement. Affilié à la CGT, est-ce que Sékou Touré est communiste? Non, il n'est pas inscrit. Mais il est évident qu'il est très proche du Parti communiste français. Il rencontre ses dirigeants lors de ses voyages à Paris. Toutefois, ce jeune leader syndicaliste rejoint l'ERDA, le Rassemblement démocratique africain, où l'on trouve de futurs chefs d'État comme Houphouët-Boigny. Sékou Touré devient donc très vite un homme qui compte en Afrique. Incontestablement, il est très populaire. En 1953, il organise une grève générale qui va durer plus de 2 mois. Et le gouverneur de l'AOF sera obligé de céder. Mais c'est une grève pour quoi, là? Pour l'application du Code du travail. Ah, une grève légitime, donc. Tout à fait. Un an plus tard, l'administration coloniale croit tenir sa revanche. Mais ça ne fera qu'accroître un peu plus la popularité du jeune dirigeant. Sékou Touré est candidat lors d'une élection législative partielle. Grâce à une fraude massive organisée par les autorités, Sékou Touré est battu. Et il se pose en martyr. Évidemment. Et grâce à ce trucage électoral, Sékou Touré gagne encore en popularité. Tant et si bien que bientôt, il est élu maire de Conakry. Et en 1956, enfin, il devient député. Sous quelle étiquette? Front républicain. De gauche, donc. Oui, et un an plus tard, en 1957, lorsque la loi cadre, initiée par Gaston Defferre, entre en application, il accède à la vice-présidence du Conseil de gouvernement de la Guinée. Cette loi cadre accordait plus d'autonomie aux colonies, c'est ça, hein? Et le vice-président est en fait le véritable chef du gouvernement. Alors, Sékou Touré est donc pratiquement le maître de la Guinée? Et il règne sans partage. Son parti, un parti unique, bien sûr, s'impose, par la force s'il le faut. Et politiquement, alors, comment ça se traduit? Sékou Touré ne fait pas mystère de ses convictions marxistes. Et la plupart de ses ministres sont proches des communistes. Et vis-à-vis de la France, alors, qui est encore la puissance de tutelle, hein? À ce moment-là, Sékou Touré ne remet pas en cause l'appartenance de son pays à la République française. Et il évite soigneusement de prononcer le mot d'indépendance. Quoi, il n'ose pas sauter le pas? Pas encore. Mais c'est vrai, Sékou Touré est un africaniste révolutionnaire qui rêve d'une Afrique unie, une Afrique qui un jour forcément devra couper le cordon ombilical avec la puissance coloniale. Et petit à petit, il évolue. Dans un sens hostile à la France, alors? Hostile? Non, pas du tout. Et pourtant, étant donné son passé, il aurait pu être anti-français. C'est vrai, et c'est l'un des mystères de cet homme. Rendez-vous avec X. En 1958, Jean Lacouture a interviewé Sékou Touré et voici le portrait qu'il trace du leader guinéen dans sa monumentale biographie de De Gaulle. Comment ne pas être frappé par l'impression de puissance contenue dans ce corps replié sur un fauteuil bas, dans ce visage fortement maçonné, au méplat semblable à des rochers émergeant du Niger, dans ce regard luisant étrangement au creux des orbites plus noires encore que le noir visage, un noir de théâtre, un noir pour jouer Othello ou le Monostatos de la flûte enchantée, dans cette mâchoire de guerrier malaquais. Mais ce qui frappait plus encore à cette époque et qui a bien changé depuis, c'était l'extraordinaire faculté de silence de M. Sékou Touré, qui a pu, depuis lors, être témoin des remarquables démonstrations de volubilité données à travers le monde par le leader guinéen, ne peut évoquer sans quelque effarement le mutisme dont il pouvait alors faire preuve. Le mystère Sékou Touré, avez-vous dit expliquer ? Au début de l'année 1958, Sékou Touré commence à parler d'association libre avec la France. Oui, c'est l'indépendance dans l'association. À peu près, même si le mot indépendance n'est toujours pas prononcé. Mais il est très modéré, ce révolutionnaire. Oui, on aurait sans doute dû l'écouter plus attentivement. Dans ses écrits, il parle de la confiance et de l'amour que les Africains, à commencer par lui-même, portent à la France. L'amour ? L'amour, oui. Et c'est pourtant ce même homme qu'on va bientôt diaboliser et présenter comme l'un des pires ennemis de notre pays et qu'on va même essayer d'abattre. Ouais, c'est peut-être aussi qu'il a changé, non ? Ou que la France n'a pas su l'entendre, quoi qu'il en soit. En cette année 58, l'indépendance est dans l'air du temps. Il y a eu l'Indochine, le formidable mouvement d'émancipation des pays du tiers-monde et la guerre d'Algérie. Sékou Touré fait bien sûr partie des dirigeants africains qui condamnent l'action de la France en Algérie. Et 1958, c'est aussi l'année où le général de Gaulle revient au pouvoir dans les conditions que nous savons. Et incontestablement, l'Afrique attend beaucoup du retour du général. Oui, l'homme du célèbre discours de Brazzaville, où le général a parlé de l'émancipation des Africains. C'est cela. Et les dirigeants africains pensent que de Gaulle va accorder à leur territoire une autonomie encore plus grande, quelque chose qui sera très proche de l'indépendance, tout en maintenant des liens forts avec la métropole. Il ne faut pas oublier que l'ivoirien Houphouët-Boigny, l'homme qui, entre parenthèses, a inventé ce néologisme de France-Afrique, ne voulait pas de l'indépendance. Oui, parce qu'il ne voulait pas rompre avec la France. C'est ça. C'est pourquoi on envisage d'abord la création d'une fédération de pays autonomes. Et libre. Mais la notion va peu à peu évoluer. Et ce sera ce que de Gaulle va bientôt appeler la communauté, et que les populations françaises et africaines devront ratifier en septembre 58 lors du référendum sur la constitution de la Ve République. Ouais. Cette communauté, c'est donc une libre association de pays indépendants. Voilà. Mais de Gaulle prévient tout de suite. Si un pays vote non au référendum, cela signifiera qu'il fera sécession et qu'il obtiendra sa totale indépendance. La France rompra donc ses liens avec lui, avec toutes les conséquences que cela implique. Les conséquences économiques, principalement. Oui, ça veut dire la fin de l'aide française. C'est donc une menace. Indubitablement. Et pour bien faire passer le message, le général entreprend une grande tournée africaine en août 58. Et ça se passe comment? Oh, plutôt bien, sauf dans la Guinée de Sékou Touré. Racontez, même si j'ai déjà fait ce récit il y a quelques années. Tout avait pourtant bien commencé. Aussitôt descendu de l'avion, le général de Gaulle monte dans une auto où prend place Sékou Touré, direction Conakry. Et sur les quelques kilomètres qui séparent l'aéroport de la capitale, c'est un ballet ininterrompu. Un ballet, quoi. Des danseurs, vous voulez dire ? C'est bien ce que je veux dire, oui. Un spectacle étonnant, exubérant. Tous ceux qui ont assisté à cette mise en scène n'en croyaient pas leurs yeux. Et pourtant, en Afrique, on est habitué à voir des foules colorées et enthousiastes. Et vous avez parlé de mise en scène. Bien évidemment, tout ça a été préparé. Mais dans quel but, alors ? Impressionner le général. Lui prouver que toute la population guinéenne se trouvait derrière son leader, Sékou Touré. De Gaulle aurait pu croire que ce spectacle était une manifestation d'admiration qui lui était destinée. Oh, sans doute l'a-t-il pensé. Mais dans son entourage, ceux qui connaissaient le pays lui ont vite dessillé les yeux. Pourquoi ? Parce que cette foule impressionnante chantait aussi, et un mot lancinant, un seul, revenait sur toutes les lèvres. Sigui. Sigui, qu'est-ce que ça veut dire, ça ? L'éléphant. Et c'était l'animal fétiche de Sékou Touré. Ah oui, c'était donc Sékou Touré que la foule célébrait. Hein. Bien sûr, Sékou Touré et lui seul. Sékou Touré est immensément populaire. Et qui fera donc voter les Guinéens, comme bon lui semble. C'est exactement le message que le leader guinéen veut faire passer à De Gaulle. Mais après cette démonstration de force, le plus spectaculaire reste à venir. Après quelques instants de repos, les deux dirigeants se rendent ensemble au siège de l'Assemblée territoriale, où ils doivent prendre la parole à l'extérieur du bâtiment. Sékou-Touré a revêtu un large boubou blanc et s'est coiffé d'une toque de fourrure frisée. Mais ce n'est pas innocent ce costume. Non, Sékou-Touré veut affirmer devant le général et tous ceux qui l'accompagnent son africanité, si vous me pardonnez ce néologisme. Comme le veut le protocole, c'est d'abord Sékou-Touré qui prend la parole et s'adresse à la foule. Et même la plus banale de ses phrases reçoit une ovation extraordinaire. On applaudit à tout rompre, on hurle de joie. D'accord, mais le contenu de ce discours ? Eh bien, ce discours n'a rien d'anti-français, au contraire même. Sékou-Touré affirme que la Guinée veut continuer à vivre avec la France. Alors, qu'est-ce qu'il y a de spectaculaire ? Le ton, violent, emphatique, et puis quelques phrases nettement provocatrices. Celle-là, par exemple. « Nous préférons la pauvreté dans la liberté à la richesse dans l'esclavage. » Et de Gaulle pense ça très mal. Oui. Oui, pour lui, c'est la France et son œuvre en Afrique qu'on attaque. Et aussi, naturellement, ce projet de communauté qu'il propose aux Africains. Et il comprend que Sékou-Touré appellera les Guinéens à voter non au référendum. C'est donc un affront. Pour lui, c'est certain. Il répond ? Il répond oui. Il répète ce qu'il a déjà dit dans les autres territoires qu'il a déjà visités. Mais le cœur n'y est pas. Et puis que dire à une foule toute acquise, à celui que le général considère désormais comme un adversaire ? La suite du séjour en Guinée est d'ailleurs glaciale. Et quand le cortège du général regagne l'aéroport, les rues sont quasi désertes et hostiles. La rupture est donc consommée ? Officiellement, non. Mais elle est dans toutes les têtes. Et malgré les efforts des uns et des autres, la Guinée, effectivement, votera massivement non. Quelques semaines plus tard. Elle choisit donc l'indépendance sans la France. Et pour le général, ça veut dire contre la France. Par conséquent, tout va être mis en œuvre pour se débarrasser de Sékou-Touré. Tout ? Oui, oui, j'ai bien dit tout et je vais vous le démontrer. Et ça commence par des mesures monétaires, des mesures punitives. C'est-à-dire ? Avant même le référendum, le haut commissaire en AOF, Pierre Messmer, organise une véritable opération de commando pour récupérer les milliards de francs CFA qui se trouvaient dans une succursale de la Banque Centrale à Conakry. Une sorte de hold-up, quoi. Oui, oui, avec l'intervention de parachutistes et de la marine. Et comment Sékou-Touré réagit ? Il fait le gros dos. En fait, il a une idée derrière la tête et il va essayer de nous rouler. Comment ? Aussitôt après le référendum et donc la rupture, il affirme haut et fort qu'il veut rester dans la zone franc. Oui, parce qu'il va en retirer des avantages. Ah, certainement. Mais déjà, il pense à créer sa propre monnaie. Toutefois, ça demande du temps. Il faut créer une banque d'émission, imprimer des billets, les mettre en place. Par conséquent, Sékou-Touré essaie d'endormir les autorités françaises en affirmant haut et fort toujours son attachement à la zone franc. Il faut gagner du temps. Et il va vraiment créer sa monnaie, là ? Oui, oui, oui, les billets vont être imprimés très discrètement en Angleterre. Mais chez nous, la riposte est déjà prête. Sous quelle forme ? Les services secrets sont chargés de fabriquer des faux francs guinéens. Et dès que le franc guinéen est mis en circulation, cette masse de fausses monnaies est envoyée là-bas. Résultat, la nouvelle monnaie de Sékou-Touré est rapidement dépréciée. Oui, ça devient de la monnaie de singe. Oui, avec les conséquences que vous pouvez imaginer sur l'économie guinéenne qui n'était déjà pas trop brillante. Je ne savais pas, moi, que nos espions pouvaient être l'occasion des faux monnayeurs. Ah, c'est pourtant la vérité. Une telle opération implique de nombreuses complicités et la présence sur place d'un véritable réseau d'agents. C'est évident. Dès qu'on a compris que Sékou-Touré romprait avec la France, ce réseau a été mis en place. Mais ça, c'est une décision politique. Prise au plus haut niveau. Ouais, par le général, donc. Sur les conseils de son éminence grise. Ouais, Jacques Foccart. Foccart, installé à l'Élysée et qui a maintenant la haute main sur toutes les affaires africaines et qui a aussi l'œil sur les activités des services secrets. Patrick Pénaud, Rendez-vous avec X. Dans un livre paru chez Albin Michel, Récits de décolonisation, Pierre Messmer, qui était en 1958 haut-commissaire de l'AOF, confirme la responsabilité de Jacques Foccart. C'est lui, affirme Messmer, qui a tenu le rôle principal. Ne croyant pas à la solidité du régime de Sékou Touré, il a fini par en convaincre le général de Gaulle et il a agi en conséquence. Et Messmer note assez perfidement, je cite, « Dans ses mémoires, Foccart n'en dit pas un mot, respectant une règle bien connue des services secrets, n'avouez jamais, surtout vos échecs. N'ayant jamais appartenu à ces services, je ne me sens pas lié par cette règle s'agissant d'événements vieux de 40 ans. » J'ai vérifié, c'est vrai, dans ses mémoires parues chez Fayard, Jacques Foccart ne dit mot de son implication dans les événements guinéens. Et il prend bien soin de minimiser l'importance des complots, qu'il appelle pudiquement des tentatives de déstabilisation, dirigées contre Sékou Touré. Nous y venons justement avec M. X. C'est donc Foccart qui va coordonner les actions contre Sékou Touré. Oui, il ne faut jamais oublier qu'outre la fureur du général qui s'estimait humilié par Sékou Touré, nous avions aussi des intérêts économiques très importants à défendre en Guinée. Quoi ? Pechiney venait de construire là-bas une importante usine de transformation de la bauxite en aluminium. Un très gros investissement. Et on pouvait craindre que le flirt que Sékou Touré a tout de suite entamé avec les pays communistes ne se termine par la nationalisation de cette usine. Ouais, ça a dû peser plus lourd que la rancune à l'ISN, à mon avis. Sans doute. Encore que, dans cette affaire, il ne faut pas sous-estimer la colère du général. Il y a donc cette fabrication de fausses monnaies, avez-vous dit, mais Foccart ne pouvait pas croire que ça suffirait à renverser Sékou Touré. C'est juste. Mais je vous ai dit que le SDEC et les hommes de Foccart avaient implanté un réseau en Guinée. Un réseau qui va s'employer à tenter un véritable coup de force. Ce premier complot, car il y en aura d'autres, est préparé dès le début de l'année 1959, à la fois à l'extérieur et à l'intérieur de la Guinée. À l'extérieur, il s'agit d'entraîner des officiers guinéens hostiles à Sékou Touré. Mais qui les entraîne et puis où ? Où ? Bah, au Sénégal, bien sûr. Ouais, le grand voisin du Nord. Là-bas, nous disposons d'un important contingent militaire et de bases sûres où ces officiers peuvent être entraînés en toute discrétion. Alors par qui ? Eh bien par des hommes du 11e choc. Ouais, le bataillon qui fournit les effectifs du service action du SDEC. Hein. Le plan prévoit de déclencher à la fois un coup d'État à Conakry et un soulèvement armé dans le massif montagneux du Fouta Djallon. Pourquoi là ? Parce que cette région est proche du Sénégal. On peut donc y faire parvenir des armes sans trop de difficultés. Ensuite, elle est peuplée de Peuls. Or, cette ethnie qu'on retrouve aussi au Sénégal est traditionnellement hostile aux Malinkés. C'est-à-dire l'ethnie de Sékou Touré. Oui. Donc, des dépôts d'armes sont constitués dans le Fouta Djallon, tandis qu'à Conakry, les conjurés se préparent. Alors, qui sont-ils ? Ah, ils sont très divers, je vous l'ai dit au début de cet entretien. Sékou Touré s'est imposé en Guinée en usant de la force au besoin. Et il règne sur son pays d'une main de fer. Ouais, c'est déjà un dictateur. En tout cas, il va très vite le devenir. Par conséquent, il a suscité de nombreuses oppositions. Des gens qui sont empêchés de s'exprimer, mais qui sont prêts à tenter quelque chose si on leur donne l'assurance qu'ils seront soutenus. Soutenus par la France ? Naturellement. Alors il y a des intellectuels, des commerçants et des hommes d'affaires qui redoutent l'isolement de leur pays. Et puis évidemment des militaires. Ouais. C'est donc très sérieux. Hein. Oui, mais même dans les plans les mieux élaborés, il peut se glisser une paille. Et la paille, c'est quoi, là, en l'occurrence ? Une histoire très curieuse. Allez, je vous écoute. Hein. Un des officiers paras qui doit participer à l'opération a soudain des scrupules. Pour quelle raison, alors ? Bah, cet homme a compris que la finalité de l'opération, c'est l'assassinat de Sékou Touré. Il a donc des problèmes de conscience. Comme il est catholique, il s'en ouvre à un religieux. Et celui-ci en parle à son tour à un haut fonctionnaire en poste à Dakar. Ah, ce religieux ne respecte donc pas le secret de la confession ? Non, non, mais il croit bien faire. De fil en aiguille, l'information parvient jusqu'à Paris au ministère des Affaires étrangères. Où, bien sûr, on tombe des nues. Ouais, parce que l'opération a été préparée par Foccart et par lui seul. Et dans le plus grand secret. Donc, sans avertir les diplomates en poste à Dakar ou à Conakry. Alors le ministre, il s'agit de Maurice Couve de Murville, monte sur ses grands chevaux. Et l'opération est momentanément abandonné. Momentanément. Bien sûr. Foccart, qui se sait soutenu par le général, n'est pas homme à laisser tomber. Pour lui, Sékou Touré représente un danger permanent. Oui, parce qu'il pourrait donner des idées à d'autres pays africains. Et parce qu'il se rapproche dangereusement des pays de l'Est. Alors, il va y avoir une deuxième tentative ? Oui, puisque tout est resté en place. L'opération a été gelée, c'est tout. Mais les conjurés sont toujours prêts à agir. Et les dépôts d'armes n'ont pas bougé. On a même prévu d'intervenir aussi depuis la Côte d'Ivoire. Attendez, une question avant de poursuivre. Là. Est-ce que Sékou Touré a pu être informé de la première tentative contre lui ? Je ne sais pas, mais c'est probable. Pourquoi ? Parce qu'à Paris, d'une part, pas mal de gens ont été informés et que, d'autre part, Sékou Touré disposait de très bons renseignements grâce aux services des pays de l'Est, les Tchèques en particulier. Alors, ben venons-en à cette deuxième tentative. Elle va également échouer. Mais pour quelle raison cette fois-ci ? Sékou Touré, comme tous les dictateurs, se méfie de tout le monde. Remarquez, après ce que vous m'avez dit, il n'est peut-être pas tout à fait tort. Hein. C'est juste, et dans cette mesure, je vous le disais tout à l'heure, nous avons certainement contribué, nous Français, à développer chez lui cette obsession du complot. Mais je reviens à mon récit. Sékou Touré soupçonne des hommes de son entourage immédiat de vouloir le démettre. C'est vrai ? Pourquoi pas ? En tout cas, Sékou Touré dégaine le premier, si j'ose dire. Et en avril 1960, 15 jours avant l'opération prévue par le SDEC, il fait arrêter par ses services de sécurité ses supposés comploteurs. Et ça déclenche un vent de panique chez les vrais conjurés. Et pourquoi ? Parce qu'ils se croient découverts. Et c'est la débandade. On se dénonce les uns les autres, tandis que certains prennent le risque d'intervenir les armes à la main. Ça se termine par un massacre. Plusieurs ressortissants français sont arrêtés. Des armes sont saisies. C'est l'échec total. Mais c'est donc un peu par hasard que Sékou Touré a réussi à déjouer ce deuxième complot. C'est la stricte vérité. J'imagine que cette affaire ne va pas améliorer les relations entre la Guinée et la France. Hein. Vous avez raison. Et ces relations vont aller en se dégradant au fil des mois et des années. À la fin de l'année 1960, par exemple, Sékou Touré gèle les avoirs français en Guinée. Et puis, il y a la malheureuse histoire de ce pharmacien français qui a été emprisonné à la suite du complot d'avril 1960. Racontez, quoi. Cet homme, Pierre Rossignol, très connu en Guinée, est accusé d'avoir fait partie des conjurés. Et il va passer 2 ans dans les geôles de Sékou Touré dans des conditions épouvantables. Et il a vraiment comploté ? Non. Mais le dictateur guinéen, en l'incarcérant, a voulu se venger de la France. Il en a fait une sorte d'otage. Mais est-ce que Focard et le SDEC là, vont continuer à essayer de se débarrasser de Sékou Touré ? De la même manière, non, je ne crois pas. Même si en 1965, Sékou Touré accusera plusieurs ministres français, et Focard, évidemment, d'avoir tenté de le faire assassiner. Une fausse accusation, selon vous ? Oui. Mais c'est vrai, les services auront toujours Sékou Touré à l'œil et ne manqueront jamais d'aider en sous-main les opposants guinéens ou d'encourager les incidents aux frontières de la Guinée. En tout cas, ces graves accusations de 1965 vont aboutir à la rupture des relations diplomatiques entre nos deux pays. C'était inévitable. Au début de cet entretien, vous avez dit que les Français n'avaient pas été les seuls à intervenir en Guinée. C'est juste. Mais auparavant, je voudrais aussi vous signaler le cas de Jean-Paul Alata, un Français marié à une Guinéenne et qui était devenu un des conseillers influents de Sékou Touré. En 1971, il est arrêté et sous la torture, il avouera travailler pour le SDEC. Sous la torture, donc on peut mettre en doute la sincérité de ses aveux. Bien sûr. Alata passera 4 ans et demi en prison et il ne sera relâché que lorsque les relations diplomatiques avec la Guinée seront rétablies en 1975. Alors, qui est aussi intervenu en Guinée contre Sékou Touré ? Les Américains, bien sûr. La CIA ? Oui. Oui, mais pour quelle raison ? Les Américains, comme les Russes d'ailleurs, s'intéressaient beaucoup à l'aluminium guinéen. Et sans doute considéraient-ils que leurs intérêts seraient mieux défendus sous un régime différent. Mais il faut aussi parler des Portugais. Les Portugais, pourquoi eux ? Les Portugais étaient encore chez eux, dans la Guinée-Bissau voisine. Et ils accusaient Sékou Touré de soutenir les guérilleros de Cabral, qui luttaient pour l'indépendance. En 1970, ils vont donc intervenir militairement en Guinée avec des exilés. Et ils occuperont un temps Conakry avant d'être défaits par les troupes de Sékou Touré. Ouais, encore un échec. Hein. Oui, Sékou Touré semblait vraiment invincible. J'ajoute qu'une nouvelle fois, cette agression a donné lieu à une répression féroce. Dans le camp militaire Boireau, on torture systématiquement. Et certains observateurs estiment que plus de 50 000 Guinéens ont payé de leur vie la dictature de Sékou Touré. Mais il est vrai que toutes ces interventions extérieures ratées n'ont fait au fond que plonger la Guinée un peu plus dans la nuit et la terreur. Et malheureusement, ça continue aujourd'hui. Sékou Touré est mort en 1984. Une mort brutale, alors qu'il se trouvait aux États-Unis. Mort naturelle ? Apparemment, oui. Vous ne vous mouillez pas, là. Bah non, parce que les services secrets disposent de nombreux moyens pour camoufler un assassinat en mort naturelle. Mais dans le cas précis de Sékou Touré, je ne peux pas en dire plus. Ce qu'il faut quand même observer, c'est qu'au fil des années, les rapports du dictateur guinéen avec la France se sont améliorés, en particulier lorsque la gauche est arrivée au pouvoir en France. Et après la mort de Sékou Touré, alors ? Une junte militaire s'empare du pouvoir. Il n'empêche que les Guinéens se mettent quand même à espérer. Et ils vont vite déchanter. Voyons cela, si vous le voulez bien, la semaine prochaine. À samedi prochain, donc, pour un nouvel entretien consacré à la Guinée, à sa course vers l'abîme, à noter le livre de Charles Zorgbib, « Paix et guerre en Afrique » qui vient de paraître chez Bourin Éditeur, et aussi chez l'Armatan, un livre sur une autre Guinée dont on parle peu, « Malabo, Guinée équatoriale, le nouvel Eldorado pétrolier de l'Afrique » de Samuel Tolade. Et je vous rappelle le nouveau tome des dossiers secrets de M. X, « Les grands espions du XXe siècle », coédité par Nouveau Monde et France Inter. Valérie Ayesteraï, Michel Billou, Rebecca Denante, Monsieur Jou m'ont aidé à préparer ce programme que vous pourrez réécouter sur franceinter.com. Et tout de suite, après le flash CO2 « Mon amour » de Denis Chessou, un petit air de campagne.